dans un établissement dont la devise est de tout enseigner, peut-on imaginer meilleure école pour découvrir l'importance du dialogue, de la confrontation des idées, de la diversité des points de vue? Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Face à la violence, aux préjugés, au fanatisme qui malheureusement ne semble pas en voie de disparition, l'esprit de recherche n'apparaît-il pas comme l'un des espoirs du genre humain? Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment et pourquoi l'Égypte a-t-elle été le pays qui a connu la plus importante épidémie d'hépatite C dans le monde, s'interroge le professeur Arnaud Fontané. Comment le gouvernement égyptien a-t-il pris l'ampleur du désastre sanitaire alors qu'apparaissent cirrhose et cancer du foie, les complications tardives de l'infection? Quelles ont été les mesures prises? Le professeur Arnaud Fontané a été invité par l'Assemblée du Collège de France à occuper pendant une année la chaire Santé publique, nouvelle chaire créée en partenariat avec l'Agence nationale Santé publique France. Il est l'un des spécialistes les plus renommés de l'épidémiologie des maladies émergentes. Diplômé de l'université Paris 5 et de Harvard, il a poursuivi une carrière éclectique, passant avec agilité du terrain au centre de recherche académique, ne cessant jamais de tisser des liens entre l'un et l'autre, de croiser les approches de recherche sans relâche, les causes de problèmes sanitaires, afin d'œuvrer à l'élévation du niveau de vie des populations affectées. Nommé en 2002 chef de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur, puis du Centre de santé globale en 2014, ses principaux thèmes de recherche sont les hépatites virales et les virus émergents, ce qui l'a conduit à piloter de nombreux projets. Sur le sida en Éthiopie, les hépatites virales en Égypte, les microcéphalies liées au virus Zika sur tous les continents, les encéphalites aiguës chez les enfants au Nord-Vietnam, l'épidémie de SRAS. Nous vous proposons de retrouver cette semaine le deuxième volet des cours du professeur Fontané consacré à l'étude des pandémies, leur naissance, leur diffusion et leur impact. Cette étude est illustrée par une série d'exemples tirés des pandémies récentes. Aujourd'hui, il s'attache à la grave crise sanitaire en Égypte causée par l'hépatite C. Arnaud Fontané rappelle que depuis octobre 2018, l'Égypte a entamé une campagne nationale de dépistage portant sur 65 millions d'individus. Va-t-elle être un des premiers pays à éliminer ce fléau, se demande-t-il. Nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 4 mars 2019 pour le cours d'Arnaud Fontané, intitulé « Hépatite C en Égypte, l'élimination à quel prix ?» Le cours d'aujourd'hui va être consacré à l'épidémie d'hépatite C, particulièrement en Égypte. Cette épidémie est intéressante à plusieurs titres. D'abord, à la différence du SRAS qu'on a vu récemment ou du virus Ebola qu'on verra prochainement, les épidémies d'hépatite C sont des épidémies silencieuses. C'est un virus, on le verra, qui a un développement très long, une incubation longue entre le moment où vous êtes infecté et le moment où vous présentez vos premiers symptômes. Et de fait, quand on découvre finalement une épidémie d'hépatite C en cours, elle est généralement déjà très répandue. Et on verra un impact considérable en termes de ce qu'on appelle fardeau, un burden of disease, alors qu'on en parle relativement peu. C'est plus vrai encore pour une autre hépatite virale qui est l'hépatite virale B, mais ça l'est pour l'hépatite C et je vais l'illustrer avec ce cours. Deuxième concept, l'hépatite C en Égypte est probablement une des plus grandes épidémies iatrogènes, c'est-à-dire liées aux soins, qui a été décrite jusqu'à présent. Il y a eu en Chine, notamment avec des... utilisation de plasma recueilli dans des conditions qui n'étaient pas correctes, des diffusions du VIH importantes, il y a de cela une dizaine d'années, un peu plus que ça encore. Mais vraiment, l'épidémie d'hépatite C en Égypte est probablement, de toutes les épidémies de maladies infectieuses, une des plus grandes qui est soit liée à une transmission par les soins médicaux. Et puis, elle est intéressante enfin parce qu'elle nous fait réfléchir sur le prix des médicaments. Comme vous allez le voir, une des grandes révolutions de la recherche sur les antiviraux après les traitements du VIH a été les traitements d'hépatite C. Il y a eu en une vingtaine d'années des progrès considérables dans l'élaboration de nouveaux traitements, mais la façon avec laquelle le coût de ces traitements a été fixé et puis ce qui a pu être obtenu après quelques temps avec la production de génériques localement en Égypte nous montre qu'il y a une vraie réflexion à reprendre sur quel doit être le prix des traitements. On parle de santé. Alors, je vais commencer avec quelques notions générales sur le virus de l'hépatite C. Quand j'étais en médecine, hein, ça, ce sont les années, mon internat, ça doit être 84-88 à peu près, j'avais appris, comme tous mes collègues internes, qu'il existait, après des transfusions sanguines, des hépatites qu'on appelait non A, non B, post-transfusionnelles. Alors, vous comprenez que c'était donc des hépatites qu'on n'arrivait pas à typer. On faisait une transfusion sanguine. À peu près 2 mois plus tard, le patient présentait un ictère, une jaunisse. Et ce qu'on savait à l'époque, c'est que cette jaunisse était due à un agent transmissible qui était transmis par des injections, des transfusions. On savait que c'était fréquent dans le monde de la toxicomanie, que ces infections se caractérisaient par une phase aiguë bénigne, avec un passage fréquent à la chronicité, et qu'à terme, il y avait un risque de développement de cirrhose et de carcinome hépatocellulaire, un cancer du foie. Donc c'est ce qu'on savait à l'époque, mais on n'avait pas réussi à mettre un nom sur cet agent transmissible. Et c'est en 1989, par des travaux de biologie moléculaire assez complexes, que finalement a été pour la première fois établie la séquence du virus de l'hépatite C. Alors c'est très inhabituel pour la découverte d'un virus que ça passe par la biologie moléculaire. Typiquement, vous mettez le fluide biologique dont vous pensez qu'il peut contenir un virus dans une culture cellulaire. Vous obtenez après quelques jours ce qu'on appelle un effet cytopathogène. Les cellules sont détruites. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ces fluides qui est de nature à infecter et détruire des cellules. Vous pouvez amplifier éventuellement avec un modèle animal. Vous regardez au microscope électronique et puis là, vous voyez au microscope électronique une structure typique d'un virus. C'est comme ça que sont découverts les virus. Mais il se trouve que le virus de l'hépatite C est très difficilement cultivable. On y reviendra parce que ça a finalement été possible, mais beaucoup plus tard, en 2005. Et dès lors, parce qu'on n'avait pas pu le visualiser au microscope électronique comme les autres virus, eh bien, on n'avait pas réussi à mettre un nom sur ce fameux virus responsable d'hépatite non A, non B. Mais par la biologie moléculaire, il a été possible d'obtenir au moins une séquence du virus et donc de savoir que voilà, telle séquence génétique correspond à un virus. Et c'était la première manifestation du virus de l'hépatite C. Alors ce virus lui-même, comme je vous le disais, on a pu plus tard l'identifier, le visualiser. C'est un virus ARN qui fait partie de la famille des flaviviridés. Il cible les hépatocytes, les cellules du foie. Et comme pour tout virus, vous avez des productions de quantités considérables de virus chaque jour. Sa transmission se fait avec le contact avec le sang d'une personne infectée. Le virus de l'hépatite C, finalement, si on n'avait pas inventé les aiguilles, si on n'avait pas inventé les transfusions, les moyens d'être en contact avec le sang d'une autre personne, il ne nous aurait probablement pas embêté. Il serait resté là où il était. On ne sait pas d'ailleurs quel est son réservoir. On trouve chez des animaux des virus apparentés, mais il n'y a pas eu jusqu'à présent d'identification de l'animal réservoir du virus de l'hépatite C. Et c'est finalement avec l'invention des transfusions sanguines, des seringues, des aiguilles, que ce virus a pu être en contact avec l'homme. Et les modes de transmission principaux du virus de l'hépatite C, vous les avez sur cette diapositive, ce sont les transfusions sanguines, les injections à visée médicale, des procédures invasives, chirurgie endoscopique qui, là encore, peuvent vous mettre en contact avec le sang d'une personne infectée, ou la toxicomanie par voie intraveineuse. De façon plus anecdotique, les tatouages, l'acupuncture, rasage peuvent être associés avec la transmission. Il y a eu des cas de transmission mère-enfant, mais c'est finalement beaucoup plus marginal que ce qu'on avait craint au départ. Hein. Aujourd'hui, on estimerait que 5% d'enfants nés de mère infectée seraient eux-mêmes infectés. Je pense que ce chiffre est même beaucoup plus faible encore. En tout cas, en Égypte, quand on a essayé de répéter ces études, on a retrouvé des taux plus faibles, de l'ordre de 1 à 2% maximum. Et il y a également possibilité d'une transmission sexuelle, très rare par voie hétérosexuelle. Les seuls cas d'infection aiguë par le virus de l'hépatite C qui ont été vraiment bien documentés, c'était par transmission homosexuelle chez des personnes qui étaient traitées par antirétroviraux et qui pouvaient avoir donc une infection aiguë par le virus de l'hépatite C, mais en transmission hétérosexuelle, beaucoup, beaucoup plus rare. Alors, une autre caractéristique donc, du virus de l'hépatite C, c'est sa très longue histoire naturelle. Et c'est là où on revient à ce concept d'infection silencieuse. Entre le moment où vous êtes infecté et le moment où vous allez faire des complications, vont se passer des dizaines d'années. Vous avez ici toute la suite des événements entre le moment de l'infection aiguë où vous avez un passage à la chronicité. Sur cette diapositive, ils mettent 80%. Je pense que le chiffre est plus faible. C'est plutôt autour de 65%. Les deux tiers de personnes infectées vont passer à la chronicité. puis une longue phase d'hépatite chronique qui va durer plusieurs années, avant le développement d'une cirrhose, qui elle-même peut, après, soit se compliquer d'un cancer du foie, l'hépatocarcinome, ou alors d'une cirrhose décompensée, qui est une affection extrêmement grave et rapidement fatale. Le laps de temps qui s'écoule entre l'infection et le moment où vous développez ces complications va varier entre 20 et 30 ans sur cette diapositive. C'est plus rapide si vous prenez de l'alcool, si vous avez une co-infection avec le virus de l'hépatite B, par exemple, ou le VIH, le virus du sida. En revanche, pour les femmes, pour ceux qui ont été infectés jeunes, la progression est plus lente. Et on dira que 20 à 30% de personnes vont faire des complications 20 à 30 ans plus tard. Là aussi, on n'a pas beaucoup de chiffres, parce qu'il aurait vraiment fallu des études extrêmement longues pour arriver à le documenter de façon très fiable. Mais c'est les ordres de grandeur de l'histoire naturelle de l'infection par le virus de l'hépatite C. Alors, quelle est l'ampleur du problème dans le monde? Là aussi, des chiffres assez variés circulent. Je retiens ce chiffre de 80 millions d'infections chroniques en 2014, qui me paraît être le plus proche de la réalité, mais vous le trouverez, et dans des revues très sérieuses, des chiffres qui annoncent le double. Tout ça dépend un peu des méthodologies de calcul qui ont été utilisées. L'important, c'est de se retenir qu'on est dans la centaine de millions d'infections chroniques dans le monde, et que la prévalence, la proportion de personnes infectées est plus élevée dans les pays à ressources limitées comparées aux pays industrialisés. L'incidence, qui est le nombre de nouveaux cas par an, par exemple, est très difficile à estimer. Donc il y a des chiffres qui circulent, mais j'ai préféré ne pas en donner parce que je ne pense pas qu'ils soient fiables, simplement. Donc voilà, on oublie. Et quand il s'agit de quantifier la mortalité qui est liée au virus de l'hépatite C, on tourne effectivement autour de... Là, je vous ai mis 350 000 décès par an. Quelques publications vous donneront un peu plus. Voilà, on est quand même dans des mortalités extrêmement significatives. 350 000 décès par an, c'est considérable. Si vous y rajoutez la mortalité qui est liée au virus de l'hépatite B, vous atteignez plus d'un million de personnes qui décèdent chaque année. Et c'est là où je reviens sur ce concept d'épidémie silencieuse. Vous avez sur cette diapositive la mortalité qui était liée au virus du sida, au virus des hépatites virales B et C, à la tuberculose et au paludisme en 2010 et en 2013. Et vous voyez que là, on est dans l'ordre de grandeur de à peu près un million de décès chaque année. Vous avez tous entendu parler de ce qu'on appelle les big killers, sida, tuberculose, paludisme. Les hépatites B, on en parle beaucoup moins. Et ça tient vraiment à cette nature très silencieuse du développement de ces infections qui font que finalement, elles n'ont pas eu la même publicité que les autres. Et c'est regrettable par rapport aux progrès qui auraient pu être faits. Alors, l'arrivée du virus de l'hépatite C dans les pays industrialisés, ici on est au milieu du XXe siècle, donc 1960 ici, 1980 pour vous situer. Il y a différents génotypes de ce virus, je crois qu'aujourd'hui il y en a 8, les chiffres évoluent quelquefois, on trouve un nouveau génotype. Enfin bon, en gros il y en a 4 importants, j'ai envie de dire le 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8 sont beaucoup plus marginaux. Et ici, un sous-type 1A et 1B sont les plus répandus, en tout cas dans les pays industrialisés. Et vous avez vu leur arrivée ici vers les années 60 pour le sous-type 1A et un petit peu plus tôt vers les années 50 pour le sous-type 1B. Alors, l'arrivée de sous-type 1B, c'était les transfusions, les injections visées médicales. Et en Europe, c'était particulièrement dans le sud de l'Italie. Donc là, c'est des endroits où vraisemblablement des aiguilles ont été réutilisées, des procédures médicales ont été faites dans des conditions d'asepsie qui n'étaient pas parfaites, avec réutilisation du matériel sans stérilisation. Et là, le virus de l'hépatite B est arrivé donc plutôt dans le sud de l'Europe. Aux États-Unis et en Europe, quelques années plus tard, dans les années 70, au retour en fait de la guerre du Vietnam, les soldats américains qui avaient été habitués à l'utilisation d'héroïne au Vietnam ont importé aux États-Unis cette habitude, et puis c'est après parti vers l'Europe. Et c'est là qu'on voit, avec l'utilisation donc d'aiguilles contaminées lors de la toxicomanie, l'explosion de l'arrivée du virus de l'hépatite C aux États-Unis et en Europe, avec un sous-type un peu différent de celui qui était transmis par les soins médicaux. Alors, dans les années 80, avant même que l'on connaisse le virus de l'hépatite C et à peu près au moment où a été découvert le virus de l'hépatite B, il y avait déjà eu une prise de conscience que ces virus se transmettaient par ce qu'on appelle voie parentérale, percutanée, et qu'un certain nombre de mesures de stérilisation du matériel éventuellement contaminé, d'usage unique pour certains produits comme les injections, etc., permettraient de bloquer cette transmission. Et vous voyez que ça a été efficace avant même que l'on connaisse ces différents virus. Pour vous donner une idée de l'ampleur du problème, au Japon, Dans les années 50, là on est en 1960, après une transfusion sanguine, eh bien vous aviez 50% de chance d'acquérir soit le virus de l'hépatite B, soit le virus de l'hépatite C. Et puis successivement, avec l'identification du virus de l'hépatite B, le dépistage de l'antigène HBS en 1972, puis après l'identification de l'hépatite C, les anticorps anti-hépatite C, puis l'identification du génome viral, on a réussi à amener à quasiment zéro le risque post-transfusionnel pour les hépatites virales au Japon. Il est estimé à peu près à 1 par million de dons de sang, pour vous dire que ce problème a été quasiment éliminé, alors qu'il était extrêmement prévalent au milieu du XXe siècle pour le Japon. En Europe et aux États-Unis, s'il y a aujourd'hui encore quelques petites épidémies, des foyers de cas d'hépatite C, c'est dans le contexte de préparation ou d'administration d'injections médicales. Et dans les différents cas qui ont été décrits, je vous ai mis les publications pour ceux d'entre vous qui êtes intéressés, ben vous verrez que ça a été la réutilisation d'une seringue avec plus d'un patient, des choses évidemment qu'on ne ferait plus normalement aujourd'hui, et surtout, et dans le contexte de l'anesthésie, la réutilisation d'un flacon qui avait été contaminé avec plusieurs patients dans la matinée. Donc imaginez que vous avez un programme opératoire avec une dizaine de patients, que le premier était atteint du virus de l'hépatite C, qu'il a fallu à deux reprises lui injecter le produit, donc il y a eu une réintroduction de l'aiguille après l'avoir piqué une première fois dans le flacon, vous contaminez le flacon, et après, si vous gardez le même flacon pour les patients suivants, vous allez les infecter avec le virus de l'hépatite C. Tout ça, ce sont évidemment des pratiques qui sont totalement interdites, et on doit à chaque fois réutiliser, même avec le même patient, des produits à usage unique, mais voilà, dans des circonstances très particulières, c'est arrivé, et ça a été à l'origine des épidémies que je vous décris ici. Donc voilà, ça c'était un petit peu l'introduction générale que je voulais faire sur le sujet avant de nous plonger maintenant sur la situation très particulière de l'épidémie d'hépatite C en Égypte. Alors, l'histoire de l'Égypte est assez particulière. Donc on vient de dire que le virus avait été identifié par biologie moléculaire en 1989. Dans le début des années 90, les premiers tests de dépistage des anticorps anti-virus d'hépatite C sont disponibles. On peut faire des enquêtes épidémiologiques en population. Et les Égyptiens, beaucoup d'entre eux, allaient travailler dans les pays du Golfe, Arabie Saoudite notamment, pour avoir des emplois mieux rémunérés. Et ils renvoient leur argent dans leur famille en Égypte. Et l'Arabie Saoudite a mis en place un dépistage systématique du virus du sida, mais également des virus des hépatites, B et C, à partir pour le virus des hépatites des années 90, quand les tests sont disponibles. Et là, on s'est rendu compte qu'à peu près un tiers des Égyptiens qui voulaient aller travailler en Arabie Saoudite se voyaient refuser l'accès de l'Arabie Saoudite parce qu'ils avaient des anticorps anti-VHC. Donc très tôt, dans le début des années 90, il a été mis en évidence qu'une proportion importante de la population égyptienne était infectée par le virus de l'hépatite C. Et d'ailleurs, parce que ça touchait aux revenus de l'Égypte, hein, puisque ces travailleurs égyptiens qui allaient en Arabie Saoudite envoyaient beaucoup de leur argent dans leur famille, le gouvernement a été sensibilisé très tôt à cette problématique, ce qui a quand même permis aussi une prise de conscience forte et des actions de politique nationale que vous verrez assez énergiques pour faire face à cette épidémie. Une enquête a été effectuée en 1996 parmi la population adulte des 10 à 50 ans et vous voyez que dans le delta du Nil, 28% des adultes, enfin adultes au sens large, hein, 10-50 ans, étaient infectés. Quand vous alliez en Haute-Égypte, c'était 26%. Quand vous descendez vers Assouan, vous tombez à 19%. Les villes étaient relativement épargnées, 8% pour le Caire, 6% pour Alexandrie. Les chiffres en France, à titre de comparaison, seraient de l'ordre de 1%. Vous voyez, donc on est sur des ratios de 1 à 20 à peu près entre les pays européens aux mêmes périodes. Ce qui était particulier aussi, c'est que quand ils ont séquencé les virus d'hépatite C qui circulent en Égypte, ils se sont rendus compte que ces virus étaient très semblables et appartenaient tous au même génotype, le génotype 4. Et au sein du génotype 4, ces virus quand même se ressemblaient beaucoup, au point que ça laissait entendre qu'il y avait eu une introduction du virus, je dirais pas unique, mais à un moment donné assez massive, avec une souche très proche, qui s'était répandue sur l'ensemble du pays. Donc il y a eu un événement qui a fait que le virus, un virus et une famille donc, avec des éléments très proches, a diffusé très rapidement dans le pays, quelques années plus tôt, et on ne savait pas quand. Et mes collègues égyptiens, réfléchissant en se demandant qu'est-ce qui a pu arriver en Égypte qui ait permis la transmission d'un virus avec cette ampleur dans les décennies précédentes, ont pensé aux campagnes de masse de traitement de la bilharziose. Donc la bilharziose est une infection parasitaire, on y reviendra, qui touche une grande partie de l'Égypte. Et dans les années 60 et 70, le gouvernement égyptien avait décidé une campagne de masse de traitement de la bilharziose sur l'ensemble du territoire, où ils ont traité les enfants à partir de l'âge de 5 ans, parce que le traitement avait une certaine toxicité avant, jusqu'aux jeunes adultes. On ne sait pas exactement jusqu'à quel âge, mais peut-être 30, 35 ans, 40 ans. Et lors de ces campagnes de masse de traitement, avec des sels d'antimoine qui sont injectés par voie intraveineuse, il était possible que le virus ait diffusé très largement dans la population. Et à l'appui de cette hypothèse, donc nos collègues de l'Université de Hinesham, avec l'Université de Maryland, ont refait un index d'exposition, que vous avez ici en pointillé, au traitement de la bilharziose par région. Donc vous voyez que vous avez un index d'exposition et qui colle bien avec la prévalence, la proportion de personnes ayant des anticorps anti-VHC dans ces mêmes régions et par classe d'âge. Et ça laissait entendre effectivement que les deux événements, l'administration des traitements de la bilharziose et la survenue de l'épidémie d'hépatite C, étaient liés. Donc la bilharziose, juste pour vous rappeler que c'est une parasitose qui est due à des larves qui vont se retrouver dans votre corps, soit dans la vessie, soit dans l'intestin et le foie pour les formes qui sont connues en Égypte, avec un parasite qui se présente ici, vous avez un œuf de Schistosoma hematobium, et le tout est véhiculé dans un cycle qui comprend une partie dans l'eau avec des petits mollusques qui permettent l'émergement du parasite, et puis les gens marchent les pieds nus dans l'eau, s'infectent par voie transcutanée, et les parasites adultes vont se développer dans leur organisme, comme je le disais, avec des formes soit vésicales, soit intestinales et hépatiques. Et l'Égypte, comme vous le comprenez, en fait, est un pays qui est concentré autour du Nil, avec une population très concentrée autour du fleuve, le Nil, et donc toute la population a les pieds dans l'eau, et notamment les enfants, et toute la population égyptienne était infectée au cours du XXe siècle, hein, avant que commencent ces grandes campagnes de traitement de la bilharziose. C'est d'ailleurs en Égypte que Théodore Bilharz, hein, c'est là que vient le nom bilharziose, avait à l'hôpital Kasser al-Aini du Caire, en 1851, sur une autopsie, mis le premier en évidence des signes de bilharziose. Et après, ces fameux œufs de schistosome que vous voyez ici, calcifiés, ont été retrouvés dans les momies, ce qui permet de dater la présence de la bilharziose en Égypte à plusieurs milliers d'années avant la période actuelle. Donc, voilà, tout était réuni en Égypte avec, en fait, une parasitose qui était répandue dans l'ensemble du pays, une grande campagne de masse de traitement dans les années 60 et 70, avec des injections intraveineuses de sels d'antimoine et la diffusion d'un virus, cette fois-ci, le virus de l'hépatite C, par des injections qui étaient malheureusement mal stérilisées. Alors, on a pu, nous, documenter un petit peu mieux ce phénomène dans un village qui est au nord-ouest du Caire, Zouaïa Trazine, à peu près à une heure et demie dans le delta du Nil, où on a fait une enquête en 2002. Et vous avez ici les résultats de l'enquête, avec la prévalence, donc la proportion d'anticorps anti-VHC qui était présent en population, chez les hommes et chez les femmes, de 0 à plus de 60 ans. Ce que vous voyez ici, c'est que les chiffres de proportion de personnes infectées étaient considérables, puisque dans la tranche d'âge des 40 à 55 ans, vous avez près de 50% de la population masculine qui avait des anticorps anti-VHC, qui avait été infectée par le virus de l'hépatite C. Et chez les femmes, les chiffres qu'on obtenait étaient de l'ordre de 30%, ce qui dit aussi quand même que l'épidémie était considérable. Et donc tout ça nous montre la situation d'un village égyptien typique du début des années 2000 dans le Delta, avec une prévalence extrêmement importante des anticorps anti-VHC. Quand on a fait des questionnaires, on a retrouvé pour les plus âgés, ceux qui avaient 25 ans et plus, des antécédents historiques de traitement pour la bilharziose. Les gens s'en souvenaient parce que c'est des injections intraveineuses qui se faisaient par un cycle. Je vais vous raconter un petit peu les circonstances. Certainement, même 20 ans plus tard, vous vous souveniez avoir été traité pour la bilharziose. Et puis sinon, il y avait des injections médicales aussi qui étaient associées avec la présence de ce virus. En revanche, pour les plus jeunes, on ne trouvait pas de facteur de risque. Alors, dans cette même enquête, on avait posé par questionnaire, on avait demandé aux gens s'ils avaient été traités pour la bilharziose. Et vous retrouvez ici chez les hommes qu'à peu près 40% d'entre eux s'en souvenaient et chez les femmes, à peu près 10%. Et c'est dans cette tranche où les personnes avaient été le plus traitées que l'on retrouve effectivement aussi les proportions d'infectés les plus importantes. Et on a repris les registres autour de ce village de Zouaïa Trazine d'injections pour la bilharziose. Et on a retrouvé qu'il y avait eu effectivement énormément d'injections faites pour la bilharziose dans ce village et les villages avoisinants des années 1960 à 1982. À partir de 1982, un traitement oral pour la bilharziose a été introduit, le praziquantel, et donc il n'y a plus eu nécessité de faire ces injections. Mais ce qui a été le plus édifiant pour nous, ça a été finalement un court extrait d'un rapport de l'OMS qui avait été écrit en 1964 par un médecin, Dr. McGrath, qui assistait à ces campagnes de traitement de la bilharziose et qui vous racontait un petit peu comment ça se passait. Et ce médecin insiste pour dire que dans le village où il est témoin du traitement pour la bilharziose, eh bien, les injections ont commencé à 9h20 et ont fini à 10h10, donc 50 minutes. 500 personnes ont reçu une injection intraveineuse. Il s'agissait d'hommes, de femmes et d'enfants. Et calculant, etc., le temps qu'il a fallu pour faire toutes ces injections, la conclusion était qu'en fait, une injection intraveineuse avait lieu toutes les 5 secondes. C'est-à-dire que le même médecin arrivait à injecter par voie intraveineuse, y compris des enfants, ce qui n'est pas simple, en 5 secondes, et comme ça, traiter 500 personnes en moins d'une heure. Et puis, les seringues qui étaient utilisées, elles étaient placées sur un plateau, et il y avait une infirmière qui les nettoyait et les faisait bouillir pour à peu près une minute ou deux. C'était donc ce qui était fait ici. Alors, on voit quand même la vitesse avec laquelle, en fait, tout ça a été fait. Et ça laisse entendre que, finalement, cette minute ou deux où la seringue et éventuellement l'aiguille étaient stérilisées n'étaient pas suffisantes. On ne sait pas très bien exactement comment ça se passait. Quand je repense à ce qui se passe aujourd'hui dans les accidents d'anesthésie dont je vous ai parlé dans les pays industrialisés, où c'est un flacon qui est contaminé en début de journée et qui infecte les autres patients, mon hypothèse, mais elle n'est absolument pas vérifiée, mais c'est ma façon de penser à cela et de me dire qu'assez tôt, le flacon de sel d'antimoine devait être contaminé. Et comme c'était dans ce flacon que, de façon répétée, on allait chercher le produit pour les injections intraveineuses, c'était probablement là qu'était la source de l'infection des personnes qui étaient soumises à ce traitement. C'est spéculatif, mais par analogie avec ce qui se passe aujourd'hui en pays industrialisés, je pense que c'est vraisemblablement là qu'était le... Et il suffisait que le flacon soit contaminé en début de séance pour que l'ensemble des personnes après soient exposées. Alors, l'information supplémentaire qui aide à comprendre tout ça, c'est que le traitement par sel d'antimoine pour la bilharziose était fait de 16 injections qui étaient espacées d'une semaine. Donc, cette opération que vous avez décrite ici dans un village, elle se répétait 16 semaines consécutives. Et imaginez qu'une personne soit infectée à la 4e semaine, elle revenait pour son traitement à la 5e semaine, à un moment où les concentrations de virus dans le sang étaient très élevées, parce qu'en début d'infection, c'est là où vous avez les plus grosses concentrations plasmatiques dans le plasma du virus, avant que votre système immunitaire puisse commencer un peu à contrôler le virus, à faire baisser la concentration de virus. Très vraisemblablement, dès que vous aviez une personne infectée, elle revenait pour ses injections dans les semaines qui suivaient. Il y avait une période de 3 à 4 semaines où elle était avec des concentrations de virus dans le sang extrêmement élevées, donc extrêmement contagieuses pour toutes les personnes qui seraient derrière dans les conditions où se faisaient ces injections. Donc voilà comment vraisemblablement se fait la contamination. Aujourd'hui, je pense que tout le monde accepte l'idée que les traitements de la bilharziose ont été à l'origine de l'épidémie d'hépatite C en Égypte. C'est triste de penser qu'un pays qui avait pris à bras-le-corps le traitement d'une parasitose avec les moyens qu'avait l'Égypte à l'époque pour le faire s'est retrouvé dans une telle situation. Après, bon, c'était le virus de l'hépatite C. Vous pouvez imaginer ce que ça aurait été si ça avait été le VIH. Le Collège de France et France Culture vous présente le professeur Arnaud Fontanet, titulaire de la chaire annuelle Santé publique, aujourd'hui, hépatite C en Égypte, l'élimination à quel prix ? Donc, voilà pour le début de l'épidémie. Maintenant, où en est-elle ? Alors, j'ai des chiffres qui s'étalent de 2008 à 2015 que je vais vous présenter. En 2008, une enquête nationale a eu lieu, c'est ce qu'on appelle les enquêtes démographiques de santé. Elles sont faites dans beaucoup de pays africains et quelques pays d'Asie. Et elles consistent en un échantillonnage représentatif, typiquement de 15 000 personnes qui sont âgées, en général, de 15 à 50 ou 60 ans. Donc l'intérêt, c'est que c'est vraiment un échantillonnage représentatif du pays. Vous avez, comme pour un sondage, campagne électorale, etc., et compagnie, un échantillon représentatif qui est fait. Et là, on avait demandé au gouvernement égyptien de tester pour les anticorps anti-VHC les échantillons de sang qui avaient été prélevés dans le cadre de cette enquête de 2008. Et vous voyez que la proportion de personnes ayant des anticorps anti-VHC était de 15% et que la proportion ayant une infection chronique, qui se caractérise par la présence de virus dans le sang, était de 10%. Comme je vous l'avais dit, à peu près 2/3 des personnes infectées vont évoluer vers la chronicité, ce que ces chiffres laissent entendre. Ce qui nous donnait comme estimation que 6 millions de personnes avaient une infection chronique par le VHC en Égypte en 2008. Et quand vous regardez, en comparant zone rurale et zone urbaine, vous voyez que la prévalence est chez les hommes de 50 ans de l'ordre de 50% et qu'elle atteint chez les femmes en zone rurale 40%. En zone urbaine, les chiffres sont plus faibles, mais enfin, ils restent quand même très conséquents. Et tout ça nous ramène à l'histoire de la bilharziose, j'ai oublié de vous le signaler, mais il est vrai que si les concentrations sont plus fortes en zone rurale, c'est que les traitements étaient administrés d'abord dans les zones rurales plutôt qu'en zone urbaine. Juste pour revenir sur ce graphique, parce qu'on pouvait aussi rajouter un point que j'ai oublié de mentionner, les gens qui sont ici entre 40 et 55 ans avec des prévalences de 50% d'anticorps pour les hommes et 30% pour les femmes, ceux-là, très vraisemblablement, étaient ceux qui, 30 ans plus tôt, ont été exposés aux campagnes de traitement de la bilharziose. Comme je vous l'ai dit, l'incubation était très longue, donc ils ont survécu jusque-là avec leurs anticorps. Et la différence homme-femme que vous voyez ici a probablement à voir avec le fait que les traitements étaient faits dans les écoles et que plus de garçons qui étaient scolarisés que de filles. Et puis après, en revanche, l'épidémie s'est répandue de façon assez homogène aux plus jeunes et aux plus âgés à partir de ce groupe initialement infecté. Suite à cette enquête de 2008 que je vous ai présentée, une enquête a été faite en 2015. Donc vous avez ici, sur la gauche, les résultats de l'enquête pour les anticorps et pour la présence de virus dans le sang par tranche d'âge en 2008. À droite, en 2015, j'ai essayé d'aligner à peu près les échelles. Les 40% sont à peu près au même niveau. On voit à vue d'œil qu'il y a une baisse assez importante de la prévalence des anticorps anti-VHC entre 2008 et 2015. Et ce que l'on a fait ici, c'est qu'on a mis sur le même graphe les anticorps 2008 et 2015 et la présence de virus de l'ARN du VHC 2008 et 2015. Et après ici, on a fait un déplacement de 7 années, puisqu'il y a 7 ans entre 2008 et 2015, des courbes de 2008 pour voir qu'elles se calquent très bien avec les courbes de 2015. Et en fait, ce que cette présentation suggère, c'est que vous avez un vieillissement finalement de cette population qui était infectée initialement, c'est ce qu'on appelle un effet de cohorte, et que les courbes que l'on voit en 2015, ce n'est que le vieillissement de 7 ans de la cohorte qui avait été constituée et déjà étudiée en 2008. Donc tout ça nous laisse entendre que finalement, il n'y a probablement pas beaucoup de nouvelles infections, ou en tout cas, elles compensent bien la surmortalité des personnes qui sont infectées par le VHC, mais que ce que l'on observe surtout aujourd'hui, c'est un vieillissement de cette population qui avait été infectée de façon massive dans les années 60 à 90. Il y a certainement une part de nouvelles infections et on y reviendra, mais c'est avant tout ce qu'on appelle un effet de cohorte en épidémiologie qui explique ces variations de prévalence au cours du temps. Donc la prévalence baisse et elle va continuer de baisser parce que les personnes qui sont dans les tranches d'âge qui sont les plus touchées aujourd'hui sont les personnes qui, dans une vingtaine, une trentaine d'années, vu l'espérance de vie en Égypte, ne seront plus là. Alors, quand je parlais d'épidémie silencieuse, il est intéressant de regarder aussi la modélisation qui avait été faite en collaboration avec les équipes d'Alain-Jacques Valeron, où, à partir des infections qui avaient eu lieu avant l'an 2000, on avait, dans le début des années 2000, essayé de modéliser quelle serait la mortalité par les carcinomes hépatocellulaires, les cancers du foie, et par la cirrhose. Et vous voyez que, simplement sur la base des infections qui avaient déjà eu lieu avant l'an 2000, eh bien, le pic de mortalité par cancer serait dans les années 2030-2040, et pour les cirrhoses, on est plutôt vers 2020. Donc c'était pour vous dire qu'il y a ce réservoir de personnes infectées qui étaient en incubation 20 à 30 ans avant de développer des cancers du foie, des cirrhoses, et que simplement en tenant compte des infections qui avaient eu lieu avant l'an 2000, on pouvait prédire que le pic de mortalité aurait lieu pour les cirrhoses autour de 2020 et pour les hépatocarcinomes en 2030. Donc à l'époque, quand on discutait avec les autorités égyptiennes de la situation, eh bien on était dans les années, quand on a commencé le projet, les années 2000, en fait, on avait encore vu peu de la mortalité qui est liée au virus de l'hépatite C. C'est vraiment cette épidémie qui était en progression, qui allait continuer à s'aggraver jusqu'à aujourd'hui. Alors, on a vu comment est-ce que l'épidémie a démarré. Une de nos premières questions a été de voir comment est-ce que aujourd'hui, donc là je parle dans les années 2000-2010, le virus de l'hépatite C se transmettait en Égypte. On ne parle plus de ces traitements de la bilharziose qui datent des années 60 et 70, mais bien de la situation de 2000 à 2010. Donc on est allé se positionné dans des hôpitaux du Caire qu'on appelle les Fever Hospitals. Donc ces hôpitaux, il y en a deux très grands au Caire, Imbaba et Abassaya, qui recueillent des patients qui viennent de milieux socio-économistes modestes et qui viennent pour des fièvres dans des consultations. Alors là, on parle de plusieurs milliers de patients par jour. Et on avait sensibilisé les médecins dans ces deux grands Fever Hospitals en leur disant, quand vous avez des patients qui ont des fièvres, regardez s'ils ont une jaunisse, un ictère. Et s'ils ont un ictère, faites-leur un examen des enzymes hépatiques. Et si les enzymes hépatiques sont élevées, ça traduit une hépatite virale aiguë très vraisemblablement, et on fait toute une batterie de tests pour savoir de quel type d'hépatite virale il s'agissait. Donc comme ça, on était en mesure de dépister des hépatites aiguës au moment où elles survenaient. On a, sur une période de 10 ans, recueilli plus de 3000 patients. 10% d'entre eux, à peu près, avaient des hépatites aiguës A, 30% des hépatites aiguës B, et après un algorithme un peu plus compliqué pour arriver à peu près 10% de patients qui avaient des hépatites aiguës C, donc qui venaient d'être infectés par le virus de l'hépatite C. Alors c'est intéressant pour nous parce que ces hépatites aiguës C, elles venaient de se produire. Donc c'était des gens qui avaient été infectés dans les 1 à 6 mois précédents. C'est à peu près ça qu'on sait de la durée d'incubation avant l'hépatite aiguë elle-même. Donc il suffisait de leur administrer un questionnaire très détaillé pour savoir tout ce qu'ils avaient fait dans les 6 derniers mois, en gros, et essayer de comprendre quelle était la manœuvre, plutôt médicale, qui aurait pu être à l'origine de leur infection. Et là, on était dans les années 2000-2010, et ça nous permettait de dire comment l'hépatite était transmise à l'époque. Mais en épidémiologie, comme vous le savez, on a des séries qu'on appelle témoins, pour savoir aussi quel est le taux de base de ces manœuvres en population générale, et voir si elles sont surreprésentées chez les patients qui ont des hépatites aiguës C. Alors, les patients qu'on a choisis comme témoins pour cette étude, c'était des gens qui avaient des hépatites aiguës A, donc ils venaient exactement dans le même hôpital, pour exactement le même symptôme, ils avaient une fièvre et une jaunisse, mais ils avaient une hépatite aiguë A, dont on sait qu'elle n'est pas transmise par les manœuvres iatrogènes qui sont listées ici, comme la chirurgie, les sutures, les injections, etc. Et ça nous donne un peu le taux de base d'injection, de transfusion, de perfusion qu'il y a en population générale, au même moment, auquel on va comparer le taux qu'on retrouve chez les patients qui ont des hépatites aiguës C. Et s'il y a une surreprésentation de ces gestes chez les patients avec hépatite aiguë C, vous savez que vous pouvez incriminer ces gestes comme étant possiblement à l'origine de l'hépatite aiguë C. Donc vous avez la comparaison pour toute une série de gestes comme chirurgie, suture, injection intraveineuse, intramusculaire, perfusion, endoscopie, transfusion, accouchement, césarienne, extraction dentaire. Vous avez la comparaison de la proportion chez les patients avec hépatite aiguë C qui ont eu ces gestes dans les 1 à 6 mois précédents, chez ceux qui ont des hépatites aiguës A, et puis on a pris aussi des témoins familiaux dans la famille des hépatites aiguës C, on a posé les mêmes questions. Et on a fait ça pour toutes les différentes manœuvres. Et celles que vous voyez en caractère gras, c'est celles pour lesquelles on a retrouvé une augmentation de risque anormale, qui était liée donc à ces pratiques-là, et c'est statistiquement significatif. Et ce sont la chirurgie, les sutures, les injections intraveineuses, perfusion intraveineuse et césarienne. Alors l'intérêt de cette approche, vous avez des témoins, vous le voyez pour les injections intramusculaires. Si on avait seulement interrogé les patients avec hépatite aiguë C, on aurait appris que 13,8% d'entre eux avaient eu des injections intramusculaires dans les 6 derniers mois. Et on se serait dit, tiens, c'est comme ça qu'ils ont eu l'hépatite aiguë C. Mais vous observez que vous avez ce chiffre de 12,8% chez des agents qui ont eu l'hépatite aiguë A ou 19,1% dans les témoins familiaux. En fait, les injections intramusculaires, elles sont très communes. Et c'est la comparaison de la fréquence de ces injections entre ceux qui ont l'hépatite aiguë C et ceux qui ont l'hépatite aiguë A ou famille qui vous permettent de dire qu'est-ce qui est surreprésenté et donc possiblement un facteur de risque d'hépatite aiguë C. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des études cas témoins et c'est une façon pour nous de décortiquer les modes de transmission. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que on se doute tous, par exemple, que les transfusions sanguines vont être un véhicule possible du virus de l'hépatite C. Mais quand on interroge les personnes qui font des hépatites aiguës C, on se rend compte qu'il n'y en a aucun qui a eu une transfusion sanguine dans les 6 derniers mois. Même chose pour les hépatites aiguës A ou les familles. En fait, les transfusions sanguines, c'est des gestes très rares. Donc, même si, quand elles ont lieu, elles peuvent transmettre le virus de l'hépatite C, elles sont rarement réalisées et, de fait, elles contribuent peu à la diffusion du virus de l'hépatite C en population générale. Donc, l'intérêt aussi de regarder ces chiffres en fonction de la fréquence des facteurs qui sont associés avec les transmissions. Et c'est là où vous voyez que les injections intraveineuses avec 10% versus 1% chez les témoins, et les perfusions intraveineuses avec 13,8% versus 5% chez les témoins, ça, ce sont des gestes fréquents et qui sont significativement associés avec la transmission de l'hépatite aiguë C. Alors, après, on fait des modèles qui nous permettent de mettre ensemble toutes ces différentes variables et de regarder celles qui sont indépendamment associées avec le risque d'hépatite aiguë C. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que je pense que je vous ai déjà un petit peu trop entraîné vers les détails de la méthodologie de ces études. Mais ce que permettent ces analyses multivariées, c'est de savoir l'effet indépendant de ces différentes variables, parce que vous, quand vous êtes admis à l'hôpital, vous allez avoir des injections, des sutures. Donc, qu'est-ce qui ressort à la fin? Et ce qui ressort à la fin, comme étant indépendamment associé avec le risque d'hépatite aiguë C, ce sont les injections intraveineuses, les sutures chirurgicales, la toxicomanie, et puis une variable qui elle-même en soi n'est pas un facteur de risque, mais un facteur associé, qui est le fait d'être illettré. Donc les gens illettrés qui avaient un niveau socio-économique bas, eh bien, vraisemblablement étaient plus exposés, soit par les endroits qu'ils fréquentaient pour les soins où les mesures de stérilisation n'étaient pas prises, soit pour d'autres raisons, peut-être qu'ils ne connaissaient pas les méthodes de prévention. Enfin, bref, on voit que l'illettrisme est associé avec un risque plus important d'hépatite aiguë C. Donc voilà un petit peu pour la situation de la transmission du virus en 2002-2007 pour cette étude. On s'est également intéressé à la transmission au sein des familles. Quand vous avez 30% des gens qui ont été infectés par le virus de l'hépatite C, dans chaque famille, si vous avez des familles de 4-5 personnes, vous vous dites qu'il y a une personne infectée par le virus de l'hépatite C, est-ce qu'elle peut transmettre aux autres ? Et ça, c'était vraiment une angoisse pour nos collègues égyptiens et quelque chose qu'il fallait communiquer dans les familles du Caire notamment ou ailleurs en Égypte pour leur dire si vous avez une personne avec une hépatite aiguë C dans votre famille, est-ce qu'il y a un risque de transmission ou pas et comment cette transmission pourrait être faite ? Alors, comme je vous l'avais dit, c'est vraiment le contact avec le sang qui est considéré comme à risque pour le virus de l'hépatite C. Et dans le domaine familial, les seules recommandations qui étaient faites jusqu'à présent étaient de dire ne partagez pas vos brosses à dents parce qu'elles peuvent être éventuellement, si vos gencives saignent un petit peu, contaminées. Et ne partagez pas les lames de rasoir. Là aussi, vous avez un véhicule possible de transmission. Mais quand il s'agit de boire dans le même verre, de manger dans la même assiette, de partager des couverts, il n'y a pas de risque. Donc dans cette étude, on a pris 100 patients qui avaient une hépatite aiguë C et on a testé les membres de leur famille. On a retrouvé 31 qui avaient des anticorps anti-VHC, d'où on a pu sortir l'ARN du VHC chez 18, qu'on a pu séquencer. Et finalement, on a retrouvé dans trois familles une personne qui avait un virus exactement identique à celui qui avait une hépatite aiguë C. Donc on savait que la transmission avait eu lieu avec cette personne de la même famille. Ça ne veut pas dire que la transmission s'est faite par un mode inhabituel. Ils ont très bien pu, par exemple, partager une seringue pour se faire des injections intramusculaires dans la même famille. Mais on sait que la transmission a eu lieu dans la même famille. Donc là, on a, par cette étude, montré, et si vous corrigez par les séquences qu'on n'a pas pu amplifier, on a pu montrer en gros que dans 5% des cas, pour les personnes qui venaient de faire une hépatite aiguë C, la transmission avait eu lieu à partir d'un membre de la famille, sans préjuger de la façon avec laquelle la transmission a eu lieu. Ça peut tout à fait se faire dans le domaine, une fois de plus, des soins médicaux. Et sur la base de cette étude, nous avons décidé de ne pas modifier les recommandations qui étaient celles que je vous avais données par rapport à la conduite à tenir si vous avez une personne dans votre famille qui est infectée par le virus de l'hépatite C. Donc, c'est les procédures liées aux soins qui, dans ces années-là, encore en Égypte, notamment les injections médicales et perfusions intraveineuses, étaient très associées avec la transmission du virus, les sutures et chirurgies, les soins dentaires, notamment les soins gingivaux, détartrage, etc., tout ça était des, plus que les extractions dentaires, sont des sources de contamination, soins obstétricaux, et on a retrouvé au Caire, mais vraisemblablement seulement dans les grandes villes, une contribution non négligeable de la toxicomanie par voie intraveineuse. Pour la transmission intrafamiliale, elle était limitée. On l'a dit, à moins de 10% des cas incidents, si on prend la bonne supérieure de ce qu'on appelle l'intervalle de confiance qui tient compte des fluctuations aléatoires d'échantillonnage. On pense quand même qu'il s'agit de procédures liées aux soins au sein d'une même famille qui transmettent. Il peut y avoir éventuellement un facteur génétique, mais je ne vous embêterai pas plus avec tout ça. Alors juste pour vous dire, si les injections sont si importantes en Égypte, il faut savoir que dans une enquête mondiale qui a été faite sur le nombre d'injections qui sont faites liées aux soins par personne et par an, eh bien c'est effectivement la région Eastern Mediterranean Region, donc tout ce qui est le Moyen-Orient, qui est l'endroit au monde où les gens font le plus d'injections. Et on a vu en 10 ans, et c'est la comparaison qui est faite ici, entre 2000 et 2010, que le nombre d'injections à risque avait quand même diminué de 3 à 0,5 parce qu'il y avait de plus en plus de campagnes faites pour limiter ces injections. Mais c'est pour l'essentiel des injections qui n'ont pas lieu d'être. On l'a vu, beaucoup d'injections intramusculaires étaient pratiquées dans l'étude qu'on a faite, y compris chez les sujets témoins. C'est des gens qui se font injecter des vitamines par voie intramusculaire, etc. S'ils veulent prendre des vitamines, ils peuvent tout à fait les prendre par voie orale. Même chose pour des antibiotiques, pour beaucoup de médicaments qui peuvent être pris par voie orale et pas nécessaire de faire des injections. Après, les injections, symboliquement, ça fait mal, donc ça guérit, et quelquefois, c'est préféré pour cette raison, mais bon, discutable. Alors, maintenant, je terminerai, pour le quart d'heure qui reste, par des considérations sur le traitement de l'hépatite C. Le traitement de l'hépatite C, au début des années 90, au moment où, finalement, on découvre ce virus, par analogie avec ce qui se fait d'ailleurs pour d'autres virus, et notamment le virus de l'hépatite B, on traitait par interféron, puis on a commencé à modifier les doses, on a trouvé une forme d'interféron lente, qu'on appelle interféron pegylé, qui permet d'espacer les injections, et puis on y associe de la ribavirine. Et il y avait des protocoles qui ont finalement été mis en route dans les années 90 de traitement de l'hépatite C avec interféron pegylé et ribavirine, mais c'est des traitements longs, sur 6 mois à 1 an, avec des effets indésirables. Le lendemain de l'injection, vous avez l'impression d'avoir la grippe. On vous envoie de l'interféron. L'interféron, c'est ce que vous produisez contre les virus. Et quand vous êtes fatigué, vous avez des frissons, vous tremblez un petit peu, vous êtes mal à la tête, pas bien, ça, c'est l'interféron que vous produisez. Et c'est exactement ça qu'on reproduit en injectant de l'interféron. Donc, le lendemain de l'injection, Les patients ne se sentaient pas bien, et sur un an, ils arrivent même certains à faire des dépressions. Puis c'est un traitement qui était très cher, 20 000 euros, avec une efficacité moyenne, selon les génotypes, entre 40 et 80%. Et à l'époque, on avait très peu de données sur le génotype 4. Donc avec nos collègues égyptiens, on a mené une enquête, une étude, un petit essai clinique sur une centaine de patients, et on a pu estimer le taux de guérison à 60%. On était entre les 40% du génotype 1 et les 80% du génotype 2 et 3. Mais cette étude a été importante parce qu'elle a été faite par mes collègues égyptiens en Égypte avec un traitement dont on savait qu'il ne marchait pas très bien. Et ça a permis de remporter la conviction de nos collègues égyptiens qu'il y avait quelque chose qui pouvait être fait pour le traitement de l'hépatite C. Jusqu'à présent, ils voyaient dans les congrès internationaux toutes ces études qui étaient proposées sur des patients qui avaient d'autres génotypes que le génotype 4, avec un traitement qui ne marche pas forcément très bien, donc leur propre expérience n'était pas bonne. Et quand on leur disait « est-ce que l'interféron, ça marche ?», ils disaient « pas chez nous ». Et le fait que cette étude ait été faite par nos collègues égyptiens et montré qu'il y avait quand même plus de la moitié des patients qui étaient guéris, a eu un impact et suffisant pour convaincre le ministre de la Santé de l'époque, Hatem El Gabali, qui était le dernier ministre de la Santé de l'ère de Moubarak, hein, on est juste avant le printemps égyptien de 2011, de se lancer dans un grand programme de traitement de l'hépatite C. On avait jusqu'à présent fait des choses sur la prévention, sur la base des enquêtes que je vous avais montrées, qui montraient qu'il y avait toujours des transmissions par injection, par perfusion, etc. Mais rien n'avait été fait jusqu'à présent sur le traitement. Et nous avons pu élaborer avec nos collègues égyptiens deux documents de stratégie nationale, un pour la période 2008-2012 et l'autre pour la période 2014-2018, de prise en charge de l'hépatite C, avec des éléments de prévention, mais également, pour la première fois, des éléments de traitement, et notamment un réseau de centre de traitement qui a été établi sur le territoire égyptien pour permettre aux patients d'aller dans des endroits où ils pouvaient être traités. Et assez vite, les Égyptiens ont produit un biosimilaire de l'interféron pegylé. Donc le biosimilaire, c'est l'équivalent du générique pour une molécule chimique quand vous avez un produit qui a besoin de production par des levures de l'interféron. Donc on n'est pas dans de la chimie pure et on appelle ça un biosimilaire. Mais ils ont produit localement un interféron pegylé qui s'appelait le Raiféron, que vous avez ici, et qui, vous le voyez, avait des taux d'efficacité très proches des deux molécules qui étaient commercialisées à l'époque, le Pegasys et le Pegintron. Donc il y avait Roche et puis Schering-Plo. Et vous voyez que le produit égyptien biosimilaire avait des taux de guérison tout à fait comparables à ce qui était observé avec les molécules commercialisées, qui étaient, je vous l'avais dit, très chères. Et c'est intéressant parce que le gouvernement égyptien a utilisé ça très rapidement pour entrer dans des négociations de prix avec les compagnies pour leur dire « nous produisons notre propre biosimilaire de l'interféron ». Et les prix de l'interféron pegylé ont baissé considérablement en Égypte au fur et à mesure qu'on traitait des patients. Et on est assez vite arrivé à un prix du traitement à 1500 euros par patient. Alors ça reste encore beaucoup, mais c'était 15 fois moins que ce que vous trouviez dans les pays industrialisés. Et ça plaçait l'Égypte comme le pays où au monde vous aviez l'interféron pegylé le moins cher par rapport à Roche et puis Merck qui avait racheté le produit de Schering-Plough. Le Vietnam, par exemple, continue à payer son interféron pegylé extrêmement cher. Mais ce qui a complètement bouleversé la donne, c'est l'arrivée de nouveaux antiviraux extrêmement efficaces. Et c'est vrai que quand on regarde l'histoire de l'hépatite C, sur à peu près 20 à 30 ans, depuis le moment où le virus a été identifié, eh bien, on a réussi à mettre au point un traitement qui, maintenant, guérit à plus de 95% des patients. Et ça, ça a été possible après les années 2005, quand des systèmes de culture ont finalement pu être mis en place, hein, des cultures in vitro qui avaient été très difficiles à mettre au point sur une cellule très particulière des pathocarcinomes avec un clone lui aussi très particulier du virus de l'hépatite C. Mais ce petit système de culture cellulaire permettait de tester des traitements in vitro et les découvertes donc de nouveaux traitements ont été très largement accélérées par ces systèmes de tests in vitro qui ont été possibles après les cultures. Donc voilà qu'on avait pour l'hépatite C un traitement qui guérissait plus de 95% des patients. Alors, l'histoire est assez intéressante. C'est la première molécule extrêmement efficace contre l'hépatite C. Elle s'appelle le sofosbuvir. Elle a été découverte par Reis Kinazi, qui est un chercheur américain, mais qui était né à Alexandrie, d'ailleurs, et qui avait un vrai intérêt pour l'Égypte. Et Reis Kinazi, il a découvert également trois traitements du VIH. Donc, c'est un serial discoverer. Lui, il a plusieurs fois dans sa vie trouvé des traitements qui ont eu un vrai impact et sur le sida et maintenant pour l'hépatite C, avec une compagnie qui s'appelait Pharmacet. Et quand son traitement était en phase 1, c'est-à-dire qu'il venait de tester le traitement chez des sujets bien portants, hein, qui n'étaient pas malades, mais juste pour voir s'il y avait des effets indésirables, son traitement montrait qu'il n'y avait pas d'effets indésirables. Et puis on commençait à avoir des éléments qui laissaient entendre que ça allait être une molécule très active contre le virus de l'hépatite C sur les tests in vitro et les modèles animaux. Et là, Gilead, qui est une des grandes compagnies, rentre en négociation avec Reis Kinazi pour le rachat de cette molécule à Pharmacet. Et ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le prix. Reis Kinazi propose 300 millions de dollars et Gilead refuse en disant c'est trop cher. Un an plus tard, ils avaient fait les phases 2 et là, ils voyaient que le sofosbuvir a un effet spectaculaire sur le virus de l'hépatite C, que les charges virales s'effondraient sous sofosbuvir. Ils reprennent les négociations et cette fois-ci, Reis Kinazi a lâché le sofosbuvir pour 12 milliards de dollars. Donc ils sont passés en un an de 300 millions à 12 milliards pour la même molécule, simplement parce qu'on en savait un petit peu plus sur l'efficacité du sofosbuvir à l'époque. Donc voilà, vous avez un produit qui marche extrêmement bien. Évidemment, pour Gilead, il y avait 12 milliards de dollars qui investis dans l'achat du produit. Il fallait maintenant rattraper cette perte. Donc le prix proposé pour le sofosbuvir sur le marché français, américain, etc., était au tout début de l'ordre de 80 000 dollars pour les 12 semaines de traitement. Donc, mes collègues du comité national égyptien rentrent en négociation avec Gilead en disant « Attendez, en Égypte, on a une urgence de santé publique avec une épidémie majeure d'hépatite C. » Et rappelez-vous ce qui s'est passé sur le VIH, sur le sida, où il y a eu des négociations parce que les patients étaient dans les pays du Sud et les molécules dans les pays du Nord, et que cette situation restait absolument intenable. Il fallait absolument faire baisser les prix des traitements du sida. Il y a eu des négociations extrêmement houleuses. Je ne sais pas si vous avez suivi tout ça avec procès, l'Afrique du Sud, etc. Et puis finalement, les compagnies lâchent parce qu'elles se rendent compte qu'elles peuvent pas. La situation est intenable pour elles. Elles ne peuvent pas garder des prix aussi élevés pour le traitement du SIDA alors que les gens meurent dans les pays du Sud. Et donc, les Égyptiens s'appuient là-dessus pour dire on va vous mettre une pression identique et vous allez être obligés de lâcher un jour ou l'autre. Faites-le et au contraire, prenez l'initiative. Montrez que pour les pays qui n'ont pas les moyens, vous êtes prêts à mettre votre molécule à des prix imbattables. Et Gilead joue le jeu, et pour une liste de 100 pays, propose de leur molécule à un tarif 100 fois inférieur, avec des génériques qui étaient produits en Inde. Mais les Égyptiens, dans l'accord qu'ils font avec Gilead sur la baisse donc de 100 à 1 du prix du sofosbuvir, rajoutent une clause en se gardant la possibilité de fabriquer leur propre générique, ce qu'ils ont fait très rapidement. Et les Égyptiens ont aujourd'hui le sofosbuvir, plus une autre molécule d'aclatasvir pour une association thérapeutique, pour 75 dollars. Donc vous avez des traitements vendus dans les pays du Nord autour de 75 000 dollars, qui sont disponibles dans les pays du Sud à 75 dollars. Le coût de fabrication de sofosbuvir d'aclatasvir, c'est à peu près 35 dollars. Et c'est vendu à 75 dollars dans le marché public égyptien, dans ces grandes campagnes de traitement. Mais c'est les mêmes molécules que vous avez pour 80 000 dollars, vendus dans les pays industrialisés. Alors depuis, il y a eu une compétition entre les différents fabricants de traitement d'hépatite C, y compris dans les pays industrialisés, et les prix ont baissé. Je ne saurais pas vous dire exactement combien coûte une association thérapeutique en France. Je dirais à peu près de l'ordre de 20 à 30 000 dollars, enfin euros pour la France. Mais donc on n'est plus aux 80 000. Mais vous voyez qu'on peut avoir les mêmes produits pour 75 dollars en Égypte. D'ailleurs, mes collègues égyptiens disent, pour les personnes qui ont l'hépatite C, vous venez en Égypte pendant une semaine, vous faites une croisière sur le Nil, vous arrêtez dans une pharmacie du Caire, et dans la pharmacie, vous le payerez trois fois plus cher, à peu près 225 dollars. Vous aurez votre association thérapeutique et vous reprenez l'avion et vous vous traitez aux États-Unis ou partout ailleurs, puisque maintenant, ces produits sont disponibles dans les pharmacies du Caire. Alors, il y a eu une très grande campagne de recrutement de patients, finalement, hein, quand ces produits sont devenus disponibles en Égypte, avec un site web. C'est intéressant parce qu'au début, il y avait une certaine réticence, pas mal de mes collègues qui me disaient « mais site web, ça ne va jamais marcher, les gens n'ont pas accès à Internet, surtout les populations les plus pauvres qui sont les plus touchées, etc. » En fait, le site web, en trois mois, il y avait déjà 750 000 inscriptions de gens qui avaient des résultats positifs pour le virus de l'hépatite C, qui étaient après canalisés vers les centres de traitement qui ont été mis en place et assez vite pris en charge. Donc, les chiffres sont difficiles. Vous verrez, si vous regardez un petit peu, et je vous ai mis quelques références, des chiffres très variables circulaient dans la littérature, mais voilà, là, j'ai mis 150 000 patients traités en 2015, peut-être 200 000, peut-être 100 000. On a des chiffres sur les ventes et on arrive à déduire assez bien combien de personnes ont été traitées, mais c'est pas absolument gravé dans le marbre. Ces traitements génériques produits localement ont une efficacité qui est identique à celle que l'on voit ailleurs. Avec, donc, comme je vous le disais, des coûts de traitement maintenant qui sont descendus à 75, 76 euros, et puis différentes associations thérapeutiques qui sont proposées dans le programme national que je vous ai mis ici pour ceux d'entre vous qui connaissez le traitement des hépatites et savoir ce qui est utilisé en Égypte. Le nombre de patients traités augmente considérablement. En 2016, on estime qu'il y a eu plus de 500 000 personnes qui ont été traitées dans le programme national. Et la prise en charge de ces patients se fait par un programme national de traitement qui est subventionné. Donc les patients ne payent pas, ceux qui sont concernés par ce programme. Ceux qui sont fonctionnaires, c'est les assurances d'État qui prennent en charge. Il y a des compagnies qui payent pour leurs employés, l'armée et la police. Donc vous voyez qu'on arrive maintenant à offrir en Égypte un traitement gratuit. Je pense que les patients ont à payer quelques-uns des tests pour voir s'ils ont du virus dans le sang ou pas. Donc le test diagnostique, l'ARN du VHC avant de traitement, et puis un en confirmation. Mais tout le reste est pris en charge par le programme national. Ça coûte à peu près 200 millions de dollars par an. Alors, on a finalement arrivé à ce que nous avions essayé de conceptualiser il y a quelques années d'un programme test and treat, c'est-à-dire qu'on teste les gens et on les traite immédiatement, et qui supposait qu'on ait un traitement facile à administrer par voie orale, qui soit court, quelques semaines, qui soit sans danger, qui couvre l'ensemble des génotypes du virus de l'hépatite C, et qu'on puisse suivre avec ce qu'on appelle des point of care, c'est des tests au lit du malade, hein, qu'on n'ait pas des équipements sophistiqués pour poursuivre ces patients, parce que beaucoup devraient être traités dans des petits centres de santé périphériques, à un coût abordable. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, on a quasiment tout cela réuni. La seule chose qui nous manque, c'est le test facile, qui puisse être fait, ce qu'on appelle au lit du malade ou en périphérie. On est toujours aujourd'hui obligé de passer par le dépistage de l'ARN du VHC. Ça suppose d'utiliser des équipements qui font ce qu'on appelle des PCR, et ça, c'est quand même centralisé. Il y a des tentatives, et j'ai travaillé avec Mathieu Albert à l'Institut Pasteur sur un programme européen de développement de ces traitements en point of care. On est toujours en progrès, mais on n'y est pas encore. Mais pour le reste, presque tout y est. Et les Égyptiens ont décidé de ne pas attendre. Ils ont lancé, depuis octobre 2018, une très grande campagne de dépistage à l'échelle nationale, où ils veulent dépister, alors je pense que les chiffres varient, mais aujourd'hui on parle de 65 millions de personnes en Égypte, hein, donc les plus de 12 ans, 12 ans et plus, pour voir s'ils ont du virus de l'hépatite C, et référer ceux qui ont des anticorps anti-VHC pour confirmer la présence du virus, et après les traiter dans plusieurs centaines de petits centres de traitement, puisque le traitement est très facile d'utilisation, hein, c'est par voie orale, je vous le disais, et quasiment sans effet indésirable. Donc, ils ont lancé une énorme campagne avec le soutien de Lionel Messi pour l'hépatite C et son traitement. Et entre le 1er octobre 2018 et le 15 janvier 2019, ils auraient dépisté déjà 27 millions de personnes. Alors, 27 millions de personnes ont été testées. Il n'y a qu'une fraction d'entre elles, 4% qui vont être positifs, vraisemblablement. Mais 27 millions testés, mais c'est déjà énorme. On parle de 270 000 personnes par jour qui ont un dépistage. C'est vraiment un énorme effort national qui est mené. On est aujourd'hui en mars, je pense que c'est d'ici septembre 2019, ils espèrent avoir fait leurs 65 millions de tests, identifié les personnes qui sont infectées par le virus de l'hépatite C et les avoir référées vers des centres de traitement. Il faudra 1 à 2 ans probablement pour écouler. Alors, il est très difficile de savoir aujourd'hui quel est le taux d'acceptation de ces tests. On a ces chiffres qui nous sont proposés, qui sont faramineux. Hein, mais je dois dire qu'il y a 5 ans, quand on parlait de traiter en Égypte avec les nouveaux antiviraux, alors que les traitements étaient à 80 000 dollars, on était tous en train de dire « bon, on verra ». Et puis, 5 ans plus tard, ils ont réussi à produire leur propre générique à 75 dollars le traitement complet, et ils ont traité vraisemblablement plus d'un million de personnes depuis la mise en place de ce programme. Il reste 3 millions de personnes à traiter. Donc voilà, je me garderai de juger dès à présent du succès de cette campagne. Il se pourrait tout à fait qu'ils y arrivent, en tout cas jusqu'à un point qu'on n'aurait pas imaginé aujourd'hui au moment où je vous parle. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le professeur Arnaud Fontanet, titulaire de la chaire annuelle Santé publique. Aujourd'hui, hépatite C en Égypte, l'élimination à quel prix ? Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos, les citations et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours du professeur Fontanet. Je vous recommande également la vidéo complète de ce cours et ses éclairants documents. Réalisation, Lorelane Planchet. Présentation et coordination, Meryl Meneghetti. Belle journée à l'écoute de France Culture.